A-L-O-N, sexe masculin, laisse mec, j'suis l'orphelin adopté par le barrio, laisse mec, j'en vexe plus d'un. Même platine, faut pas que j'patine, j'donne mon meilleur, car demain c'est ailleurs le fighting. Là j'suis en meeting, j'rappe mon best-seller, c'est la merde qui me berce, mec. T'as la me qui t'es dur là où j'mec, zest, flamme down. On crie tous à l'aide, on écrit de malheur sur la lettre. C'est le calumet de la paix que chante mes lèvres. Ça vient toujours des mêmes blocs, influents des quartiers nord, résidents, plan d'out, comme un gaou à Oran. C'est le mec des stars, d'origine comorien. On entend le défaut de langue, même quand le tabac gêne. Rien d'étrange, vois-tu, j'ai toujours les mêmes potes. Ces mecs qui traînent en bas des blocs, ce peuple qui forme un melting pot. Faut qu'on s'unisse, car on a le même sang dans les veines. Rêve mon verre à toi, lui, elle, mon pote à la tienne. Puis toujours à l'âge, m'en bats les couilles, d'où il plein la bouche. N'attends plus un coup de pouce, rappe mes coups de blues, ce coup de boost que je crache à la poule. Si t'en as rien à foutre, bouge avec mon coup de boule. Te couche, raboule, flou, ce que je bouffe, entends la poule. Ça bat sur tout le move, sauf un baba. Pour toi, le succès est un coup de foudre. Maman, crois-moi, j'aurai la coupe sans vendre la poudre. Moi et mon groupe, coûte que coûte, on s'envolera. Bola, ça vient des quartiers nord de Mars, plein d'art. Là où tu crois que ton de réussite est out. On te dit, on garde notre terre, je viens d'en haut. Tout ça vient, vas-y, cherche, cherche, cherche. Des quartiers de France, plein d'art. Changer de direction, d'aboutir, c'est out. J'ai du riz plein les dents, du rail plein les oreilles, la guitare d'un gitan pour remplacer le coq au réveil ou light. J'ai les mains pleines de ciment depuis qu'ils se mettent au roulant BM. T'as bien capté que je suis des HLM, pas de la hood, le Tiger Wood. Du rap rempli des trous pour ceux qui bronzent au bled en hood. Pour ceux qui passent l'hiver à faire des abdos, c'est caïd. Qu'augmente le chiffre d'affaires du McDo. À tous les locataires de la jungle jusqu'à la colonie des collègues en ligne. Aux ébattés qui trouvent au purin le mur de la cellule. Mon paquet de routine, je l'envoie en cul. Arrache ta porte dénuncier, ça me servira de surf à Hawaii. Sûr, je fly, combien d'étés sont passés. Traîner dans la favela, en trottinette, les charmants en Vespa. La coupe à la Nesta, les belles là, ça J'aime Repso. Ok, à tous mes acolytes et copilotes, à ceux qui complotent et qui dépassent les limites, ou peu importe, car le ghetto c'est pas qu'un ring de misère. Va voir mon pote Thomas, c'est à le faire, le sens des affaires. Tu nord, où l'on devient adulte un peu trop tôt. On aime la tâche italienne, comme Sbambo, Plandao. C'est le QG dédié aux mecs, la Castellane, qui se reconnaissent dans nos jeans. En gros, qui ont le produit qui plane. Ça vient des quartiers nord de Mars, Plandao. Là où tu crois que le taux de réussite est out. On te dit, on garde notre terre, j'viens d'en haut des tout ça vient, vas-y, cherche, cherche, cherche. Des quartiers de France, plein d'art. Changer de direction, d'aboutir, c'est out. On te dit, la plus rara, rapa pour les vas-y. Ça vient des quartiers nord de Mars, plein d'art. Là où tu crois que le taux de réussite est out. On te dit, on garde notre terre, j'viens d'en haut des tout ça vient, vas-y, cherche, cherche, cherche. Des quartiers de France, plein d'art. Changer de direction, d'aboutir, c'est out. On te dit,